Chapitre 41e. Les écuries d'Augias. Puisqu'il en était avec les corvées, Dutilleul continua avec Berthelot Simeoni. Comme il s'y attendait un peu, celui-ci avait bien évidemment refusé de décliner son identité, et aucun papier n'avait été trouvé pendant la fouille. C'est vrai qu'une carte des Tournelles aurait fait désordre. Berthelot s'apprêtait donc à garder un silence buté, quand Dutilleul le mit immédiatement à l'aise. « Alors dis-moi comment je dois t'appeler, toi, Simeoni ou Berthelot ?» La phrase eut immédiatement l'effet escompté. L'animal était piégé dans son terrier. Berthelot devint blanc, puis rouge et crevisse, et Dutilleul lui servit un verre d'eau. L'autre le but d'un trait, puis tenta désespérément de retrouver une certaine contenance. « Comment savez-vous? Qui m'a donné ?»« Je suis sûr que c'est cette mauviette de dessert. Il n'a jamais pu me blairer. » « Tu reconnais les faits ?»« Je ne reconnais rien du tout. Puis pourquoi vous me tutoyez ?»« C'est vrai, vous avez raison. Que faisiez-vous à la villa ?»« Rien. »« Pas même une petite fête ?»« Non, pardonnez-moi, je crois que j'ai trouvé. » C'était certainement une séance de défoulement collectif. Sans doute pour se libérer un peu de la pression des examens. « Pourquoi pas ?»« Eh bien parce que dernièrement, vous ne faites pas dans le pratique, et que deuxièmement, vous auriez tout aussi bien pu rester aux Tournelles. » Si c'est effectivement ce que vous aviez en tête. Inutile de vous dire que pour ma part, je ne suis pas franchement convaincu par cette thèse. Vous avez une sèche ? Non. De plus, ici, les bureaux sont non-fumeurs. Revenons plutôt à nos moutons. Nous disons donc que le but de l'opération était d'endommager la villa. Ceci étant posé, je ne vois pas trop pourquoi. Certes, elle est vraiment très moche. Une véritable offense au bon goût. Mais cela ne suffit pas. Qu'est-ce qui vous a poussé à agir ? Je ne dirai rien. Allons, allons, mon garçon, on arrête de jouer. Crois-moi, je sais très bien que vous n'avez pas trouvé cela tout seul. Je sais qu'on vous a aidé. Et pire pour toi, qui ? Cette fois, la fidélité au club ne te sera d'aucun secours. Tout ce que tu tairas, je l'apprendrai par ailleurs. Dessert s'est mis à table. Pourquoi t'en prends-tu toujours à lui ? Que t'a-t-il fait ? C'est un gros naze, un perdant. Qui se bourre la gueule à la moindre occasion. Ah, ce que je regrette. Que regrettes-tu exactement ? D'avoir buté Dacroux ? Pourtant, il n'était plus vraiment d'accord avec vous, si j'ai bien compris. Il ne jouait plus le jeu, pensez. Il en avait peut-être marre de prendre tous les risques. Et pourquoi encore ? Tout comme toi, il avait compris qu'il n'y avait qu'une bonne place. Seulement, Terminal y est solidement accroché et n'a pas tellement envie de passer la main, on dirait. Berthelot devint livide. Mais Dutilleul n'en continua pas moins, impitoyablement. « Quand je te dis que je sais tout, c'est que je sais vraiment tout. En revanche, j'ignorais que tu avais des remords pour Dacroux. Ce devait être un sacrément bon copain. En le liquidant, tu as pensé, légitimement, montrer ta fidélité à Terminal. Mais celui-ci t'a bien mal récompensé. Parce que c'est toi qui es bon pour partir à l'ombre, pas lui. Ah non, lui, tu vois, il va être assez malin pour passer à travers les gouttes. Tu sais, il fait partie de cette catégorie de personnes qui ont toujours un parapluie invisible au-dessus de leur tête. C'est rageant, mais c'est comme ça. Dis-toi bien que ce n'est pas un zéro comme toi qui va le mettre en danger. Tu auras beau utiliser toutes tes relations de papa, ça ne marchera pas cette fois. D'ailleurs, à bien y réfléchir, je ne pense pas qu'il soit très content, ton père. Je m'en fous, je ne dirai rien. Parce que tu crois franchement que cela va changer quelque chose. Les autres n'ont pas ton sens de l'honneur. Ils vont parler, crois-moi, déjà pour limiter la casse. Parce que ne te fais aucune illusion, il va y en avoir. Je sais que tu as massacré Agathe Grimbert. Qui ? La vieille, comme vous l'avez appelée. Tout comme je sais que tu as liquidé Dacroux, ce qui fait deux. Déjà un joli compte pour un jeune homme comme toi. Mais je suis sûr aussi que tu es trempé dans la liquidation de Lourjade, autrement dit Galtier. Je te soupçonne même, cette fois, d'y avoir pris un certain plaisir. Car Lourjade n'était pas de votre niveau. C'était un raté, et tu l'as toujours su. Je te soupçonne d'avoir compris très tôt qu'il se droguait. Tu as même dû le repérer d'entrée. Je ne sais pas d'où te vient cette connaissance, mais c'est un fait. Je pense que tu as dû le surprendre à sniffer dans les toilettes. Joli spectacle. Il a dû être soulagé que tu ne le dénonces pas. Mais il s'est trompé du tout au tout. Car tu as su tout de suite comment tu allais t'en servir. L'as-tu fourni ? Non ! Mon père me tuerait s'il savait que je touche à ça. Enfin, une parole honnête. Bon, alors disons que je te crois, du moins, provisoirement. Tu savais toutefois où t'en procurer, s'il en avait besoin. Et le besoin s'est rapidement fait sentir. Si Galtier piquait la carte bleue, il vous condamnait tous, et vu son état d'addiction, il aurait parlé. Il vous aurait tous dénoncé pour un peu de poudre. Tu ne pouvais le permettre. Alors tu t'es discrètement arrangé pour qu'on lui fournisse une dernière dose, sans te salir les mains, naturellement. Pas question de tremper là-dedans. Lui ne s'est pas méfié. Après tout, tu étais son copain. Il a dû même être sacrément content car son addiction s'était encore accrue. Il est vrai que vous avez fait très propre. Et peut-être qu'un autre que moi n'y aurait vu que du feu. Seulement moi, vois-tu, je suis un vieux routier. Dès le début, j'ai eu la conviction que c'était bel et bien un assassinat et qu'il fallait l'inclure dans la liste de vos méfaits. Joli tableau de chasse, en vérité. De quoi vous faire passer de longues années derrière les barreaux. Que diras-tu pour ta défense? Comment pourras-tu affronter le regard de tes parents? Te contenteras-tu d'un trop léger? Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Je t'accorde que c'est un système de défense qui a fait ses preuves. Mais seras-tu réellement satisfait? Certes, la peine sera moins lourde parce que tu es mineur. Mais tu sais, la prison, c'est la prison. De toute façon, tu y perdras tes plus belles années. Maintenant, à toi seul de décider de la longueur de ta peine, de voir si Terminal vaut ce sacrifice. Crois-tu qu'il lèvera le petit doigt pour toi? Moi, vois-tu, j'en doute. Si j'ai bien compris, ce n'est pas vraiment dans la philosophie du Club 23. Rappelle-toi que si l'un des membres est pris, les autres nieront avec force avoir eu tout commerce avec lui. D'autant plus que tu n'étais qu'un simple exécutant. Tu n'avais pas plus de valeur que les autres. Ce n'est pas vrai! Vous pouvez pas dire ça! Oh, mais si! Crois-tu vraiment que Terminal t'aurait laissé les rênes? Pourquoi pas? J'ai montré que j'en étais capable. Parce que tu t'es montré impitoyable? Ben, parce que tu as sincèrement pensé que cela suffirait. Mon pauvre garçon, tu as simplement démontré qu'à l'occasion, tu pouvais être une brute. Or, crois-moi, dans mon métier, je suis bien placé pour savoir que ce rôle n'est réservé qu'aux subalternes. En bref, on les charge du sale boulot. Ainsi, il n'y a pas de partage des risques. On n'a que faire d'une brute qui pense. Ce n'est pas ce qu'on lui demande, bien au contraire. Je pense que tes initiatives n'ont fait qu'embarrasser Terminal. Ce n'est pas vrai! Ce n'est pas vrai! Le garçon se mit doucement à pleurer. Dutilleul était satisfait. Les défenses commençaient peu à peu à céder. Le gamin perdait pied. Il devait en profiter même s'il n'avait jamais aimé ce rôle. Aussi reprit-il tout aussi durement. « Bien sûr que si. Tu veux même que je te dise autre chose? Tu étais en train de devenir un danger pour Terminal, tout comme Dacrou et Galtier en leur temps. Ton ambition ne pouvait que le gêner. Crois-tu que ton arrestation lui fasse beaucoup de chagrin? Moi pas. Terminal a toujours su que c'était le risque à courir, et celui-ci était parfaitement calculé. Il savait que tu ne parlerais pas. Tu es trop mouillé toi-même pour le compromettre vraiment. Pourtant, je t'affirme le contraire. On peut bel et bien l'avoir. Pour cela, j'ai besoin que tu collabores. Ne te fais aucune illusion. Cette affaire ira à son terme. Elle a suscité trop d'émotions pour qu'il en soit autrement. Alors, donne-moi les moyens. De toute façon, dis-toi qu'avec ou sans ton concours, je le coincerai quand même. J'en fais une question d'honneur. S'il n'avait été question que de vandalisme, je te dis franchement que je n'aurais peut-être pas bougé le petit doigt, même pour la serre. Seulement, lorsque vous avez agressé Agathe Grimbert, vous avez franchi la ligne rouge. Comme on dit chez nous, vous êtes monté de catégorie. Dacrou et Lourjade, ça c'est beau salade, même si ce n'est guère plus acceptable. Agathe Grimbert, elle, était innocente. Elle ne vous avait rien fait. Vous ne la connaissiez même pas. Berthelot regarda Dutilleul narquoisement. « Vous ne coincerez jamais Terminal. Il est bien trop intelligent pour ça. Crois-tu vraiment? Comment avons-nous connu votre cible, à ton avis? C'est Terminal qui très gentiment nous l'a indiqué. » L'autre se récria, tel un gamin. « Ce n'est pas vrai! Vous mentez! Vous êtes un menteur! » « Très bien, très bien. Inutile de monter sur tes grands chevaux. Calme-toi. Et imaginons un instant que, comme tu le dis, je sois un menteur. J'étais tout de même sur place quand vous êtes arrivé. » « Oui, » répondit le garçon de mauvaise grâce. « Est-ce que Terminal ne vous indique pas toujours la cible attaquée juste avant de partir ?»« Oui ou non ? Penses-tu qu'il l'aurait préalablement indiqué à Deux Serres ? Non ! Terminal s'en méfie comme de la peste. Là, nous sommes d'accord. Alors réfléchis un peu, veux-tu? Pourquoi Terminal n'a-t-il pas cherché à remplacer Galtier? Quelle était à l'origine la fonction du dit Galtier? De repérer les cibles, fonction que Terminal, devenue externe, était à même de remplir. Impossible. Même s'il prend des cours à l'extérieur, Madrier le surveille de près. C'est ce que celui-ci a pensé en toute bonne foi. Seulement, ce que Madrier ne pouvait pas savoir, c'est que Terminal avait passé un accord bien pratique avec son professeur. 4 heures payées pour 2 heures réellement effectives, ce qui lui donnait à chaque fois 2 précieuses heures de liberté, heures employées à repérer les cibles potentielles. Là encore, si ça peut te rassurer, ça a bien failli marcher. Seulement, cette fois, Terminal n'a pas eu de chance. J'ai pris la décision de le faire surveiller. Tu comprends? Dans notre métier, on ne sait jamais. C'est ainsi qu'on a découvert son petit jeu. Très astucieux, mais pas assez pour échapper à un vieil inspecteur. Comme quoi, tu vois, les vieux peuvent parfois avoir des atouts. Alors, sauve ta peau et laisse tomber Thérèse Turando. Berthelot se mit à rougir violemment. Dutilleul n'en reprit pas moins. Je t'ai bien dit que je savais tout. Crois-moi, je ne bluffe jamais. C'est le métier qui veut ça. En sortant de la salle d'interrogatoire, Dutilleul croisa Viard dans le couloir. Allons faire une pause dans mon bureau, voulez-vous? Vous avez l'air exténué. Viard avait l'air vraiment sincère, même s'il ne dissimulait pas qu'il était heureux. Patricia Martineau peut vous faire un thé, si vous le désirez. Je sais que vous détestez le café, alors je ne vais pas vous en proposer. Cela doit vous surprendre que je sache cela, n'est-ce pas? J'ai appris à vous connaître, dit-il, même si ce n'est guère facile. En tout cas, c'est indéniablement un joli coup, rondement mené. Comment cela se présente-t-il? Pour le thé, ce ne sera effectivement pas de refus. J'aimerais un gunpowder assez fort. Pour le reste, je crois qu'on avance, mais ce n'est pas fini. Il me faut la tête de tout cela, car sinon... Les prévenus, qu'ont-ils à dire? Les aveux de Frank Steiner, celui qu'entre eux ils appellent de serre, suffisent à eux seuls à impliquer tout le monde. Simeoni n'est pas loin de se mettre à table. Je crains en revanche qu'on ne tire rien de Philippe Touvenot. J'ai toutefois demandé à Bellegarde de s'en occuper, mais je n'ai guère d'espoir. Ce gamin gardera probablement toute son énigme. Vous pensez tout de même qu'il sera condamné? Sans aucun doute, malheureusement. Les dépositions des autres l'accablent. Très bien, pour les 2 autres. Duteron n'avait qu'un rôle subalterne. Il était chargé du stockage. Toutefois, j'aimerais le garder encore un peu au frais, histoire de ne pas donner l'alerte à Terminal. Quant à Rougemont, je n'ai contre lui que la destruction de l'épicerie. Il s'en tirera avec 2 mois pour acte de vandalisme, mais cela n'ira pas plus loin. Pour ce qui est de Terminal, cela risque bien d'être une autre paire de manches, car là, j'ai sacrément besoin de preuves. Dutilleul, vous êtes conscient qu'elle peut s'en sortir, n'est-ce pas? Si j'ai bien compris cette affaire, papa a le bras sacrément long. Alors, redoublez de prudence, voulez-vous? Thérèse Turando se sentait assez forte, même si, c'est vrai, elle avait pris un sacré coup de chaud. Heureusement, toutefois, elle avait su conserver son calme et surtout, elle était parvenue à donner le change. Elle avait utilisé son atout majeur, joué la comédie. Elle avait parfaitement su simuler la plus grande stupéfaction quand elle avait appris l'arrestation des garçons. Cependant, à l'intérieur, elle ne se sentait plus si calme. Ainsi, elle ne cessait d'échafauder toutes sortes d'hypothèses. Bien sûr, elle s'était toujours préparée à cette éventualité, mais tout de même pas aussi vite. Elle savait que Dessert risquait de se mettre à table. Elle avait commis une grosse erreur avec lui. C'était le plus faible de tous, et même s'il s'était bien repris, elle n'aurait pas dû l'utiliser. Surtout qu'il savait tout de même beaucoup de choses. Toute la question était de savoir jusqu'où il était en mesure de la compromettre. Quant aux autres, elle était sûre de pouvoir compter sur Simiane et Berthelot. Pardet, lui, était trop neuf pour vraiment être en mesure de dire quelque chose, et elle n'avait pas grand-chose à faire de Bobin. Après tout, elle ne le connaissait pas beaucoup, même si les autres l'avaient assuré qu'il était très bon dans sa partie. Tout de même, elle voulait bien savoir quand se terminerait cette maudite perquisition. Heureusement, son journal était bien à l'abri dans son cartable. Personne, sans doute, n'aurait l'idée d'aller le chercher là. Tout de même, avant de partir avec les flics, Madrier l'avait regardé d'un drôle d'air. Il n'avait pas tellement aimé ça. Elle avait l'impression très nette d'avoir laissé passer quelque chose de très important. Elle essayait depuis de se dire à toute force que ce n'était pas grave. mais elle parvenait de moins en moins à s'en convaincre. Elle devait faire très attention, elle commençait à perdre les pédales. La principale question qui la taraudait, sans qu'elle parvienne à y répondre, c'est comment les flics avaient réussi à prendre sa dernière action. Elle espérait de tout cœur que les garçons avaient réussi à esquinter cette horrible baraque, parce que sinon ce serait vraiment une catastrophe. Qu'elle fût l'unique responsable de l'interpellation de ses camarades ne lui vint jamais à l'esprit. Dutilleul voyait Jean-Patrick Séverin pour la première fois, et malgré la sympathie instinctive qu'il lui inspirait, il ne pouvait oublier que c'était lui qui avait donné la clé des champs à Thérèse Turandot en montant volontairement sur son Iboréel. Heureusement toutefois, il n'en était pas fier. Madrier, lui, était effondré dans son fauteuil. En effet, Dutilleul n'avait pas été long à lui faire le résumé des événements. Ensuite, sans aucune malice, il avait expliqué la duplicité de Thérèse. Si Séverin ne s'était pas montré réellement surpris, il en allait tout autrement de Madrier, qui ne cessait de répéter qu'elle était sa chance, sa meilleure élève. Dutilleul avait eu un mal fou à lui expliquer comment elle s'était jouée de lui. Tout comme il, Madrier, était parfaitement dépassé par le comportement des interpellés. Encore, Dutilleul n'avait pas évoqué les meurtres. Madrier l'apprendrait bien assez tôt. Il était déjà à terre et Dutilleul ne prenait aucun plaisir à l'achever. Il n'y avait pas eu de dispute entre Séverin et Madrier. Les faits étaient trop graves. Puis, il était évident que Séverin avait agi en toute bonne foi. Dutilleul le soupçonnait fortement d'être amoureux de son élève. N'empêche qu'il risquait bel et bien d'être mis sous contrôle judiciaire pour complicité. Heureusement, Séverin semblait enfin avoir pris toute la mesure de la situation. Curieusement, Dutilleul sentit que l'amitié entre les deux hommes n'en souffrirait pas, bien au contraire. Il se dit alors que c'était une bonne chose que Madrier garde un appui dans la tempête qui s'annonçait, car il allait sacrément en avoir besoin.